Après les succès de Sombre et Je suis le feu, Max Monnehet revient avec À la gorge, un thriller à couper le souffle. Victor Caran, psychologue carcéral sur l'île de Ré, rencontre un nouveau détenu. Après une séance, convaincu de son innocence, il décide de rouvrir l'enquête avec l'aide d'une jeune flic. Ensemble, ils ont une semaine pour trouver le vrai coupable. À la gorge de Max Monnehet, un thriller à couper le souffle aux éditions du Seuil, maintenant en librairie. France Inter. Aujourd'hui, pour le 1300e numéro inédit d'Affaires Sensibles, du vin et du sang, le drame de Montredoux en 1976. Ces derniers mois, dans toute la France, le monde paysan s'est révolté. Au micro des journalistes et devant les politiques, les agriculteurs ont évoqué leur salaire, l'évolution des prix, une concurrence, selon eux, déloyale, le poids d'Europe, l'abandon de l'État, autant de causes et d'effets multiples d'une crise qui semble sans fin. Dans le Midi, parmi les manifestants, il y avait de nombreux viticulteurs, en colère notamment contre le vin bon marché d'Espagne. Pendant tout l'automne et l'hiver dernier, ils ont barré des routes, vidé des citernes, attaqué des grandes surfaces. En réalité, ces images et ces mots en convoquent d'autres dans notre mémoire. Il y a 50 ans en effet, les paysans du Midi étaient déjà en lutte. Dans les médias, on l'a baptisé, cette lutte, la guerre du vin. Une guerre qui a duré des années et qui s'est conclue par un drame. Si les fusils ont depuis été rangés, la crise n'a jamais vraiment quitté le territoire, comme des feux mal éteints. Notre invité aujourd'hui, la journaliste du Monde, historienne et critique du vin, Laure Gasparotto. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Jean Bulot, rédaction chez Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. 2 mars 1976. Cette nuit-là, le vin a coulé sur le sol de l'entrepôt d'un négociant de lin. 30 camions citernes endommagés, 80 cuves éventrées à coups de hache, 14 000 hectolitres de vin vidés et 40 000 bouteilles brisées. Selon les témoins, deux autocars immatriculés dans l'Hérault ont été repérés sur les lieux de l'attaque. Pourtant, le lendemain, dans la presse nationale comme régionale, l'information ne fait que s'immiscer entre différentes nouvelles. Quelques lignes ici et là, rien de plus. Or, depuis des mois, du vin de table coule sur le pavé. Mais la crise viticole et ses conséquences sont devenues des faits ordinaires. En vérité, c'est fermer les yeux sur la réalité. Parce qu'en 1976, partout la vigne pousse, la colère gronde. La région occitane est la plus mobilisée, la plus organisée de toutes. À Sète, Carcassonne, Narbonne, chaque semaine, des actions ont lieu. Manifestations, occupations, barrages. Pourquoi ? Oh, un faisceau de raisons. Les prix du vin, Bruxelles, la concurrence de l'Italie, la fin de la croissance heureuse, les laissés pour compte, le malaise ambiant. Le 3 mars, 5 personnes sont interpellées par les gendarmes. Les enquêteurs ont été efficaces et les manifestants peu prudents. Dès l'annonce des arrestations, le tocsin résonnant aux des collines. Les viticulteurs quittent leurs caves et leurs exploitations et se rassemblent à la conférence des vignerons à Narbonne. Un gendarme s'y rend aussi, afin de calmer les esprits. Mais de force, on l'invite à rester. Certains le menacent même, d'autres tentent de négocier. À la nuit tombée, le commandant est relâché. Après quelques heures aux alentours du palais de justice, les vignerons se promettent de revenir le lendemain. Une nouvelle bataille de la guerre du vin prend forme. Ce 4 mars 1976, Narbonne est coupée du monde. Rideau baissé, rue bloquée, la ville est déclarée morte. En fin de matinée, près d'un millier de viticulteurs se rassemblent aux alentours de la cour de la République. En tête, l'un des représentants du comité d'action viticole Tendance Mirabeau déclare « Nous jurons que nous tiendrons tant que nos camarades ne seront pas libérés. Tout le monde sur le pont de Montredon. » Montredon. Ce pont est un endroit stratégique et traditionnel des manifestants de la région. Situé à 5 km de la ville, il se situe au croisement de la route nationale et de la voie ferrée Marseille-Bordeaux. Tenir ce pont, c'est tenir le département. quelques voitures, quelques tracteurs, des petits brasiers de pneus et de cagettes. En quelques minutes, l'accès est bloqué. Vers 13h, ils sont près de 3000 viticulteurs à occuper les lieux. Dans le même temps, en contrebas, les compagnies de CRS prennent position. Et la tension est palpable. Alors qu'un hélicoptère de la gendarmerie russe survole les lieux, des tirs de fusil retentissent. Aux côtés des manifestants, sur le pont, de nombreux journalistes sont présents, dont Pierre Bosque, de FR3 Montpellier. Depuis des mois, il suit et rend compte de cette mobilisation sociale du monde du vin. Parmi ses interlocuteurs, il y a André Cazès, l'une des figures du comité d'action viticole du Midi. Face à la caméra, il exprime son inquiétude. Bon, je ne sais plus si c'est une preuve de force, parce qu'à ce niveau, une violence en appelle une autre. Et je crois que c'est un climat où il n'y a pas de vainqueur, il n'y a que des perdants. Je voudrais ajouter que les viticulteurs ne sont pas contre les raisons d'État. Nous nous y inclinons. S'il faut importer du vin italien pour des raisons d'ordre national, nous nous y inclinons, mais à la seule condition, c'est que ce soit l'ensemble de la nation qui en prenne la charge et pas seulement une région qu'on est en train de ruiner. Et si je peux me permettre aujourd'hui de faire un appel, c'est de lancer un cri d'alarme au président de la République, puisque ça fait 15 ans que nous battons, que nous avons frappé à toutes les portes. Le problème est grave. Il faut trouver une solution au Midi. Sinon, on va vers des catastrophes qui risquent d'être des catastrophes nationales. 10 minutes plus tard, deux unités de CRS tentent une percée afin de dégager le pont. L'ordre aurait été donné directement par le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski. Casqués, munis de fusils lance-grenades, les CRS avancent. Vers 15h15, l'un d'eux s'écroule, touché par une balle de fusil de chasse. Alors que le blessé est évacué, l'ordre de riposter est donné. Des pistolets mitrailleurs sont utilisés. À 15h20, un viticulteur tombe à son tour. Il vient de recevoir une balle en plein front, mort sur le coup. À 15h30, les armes se taisent, enfin. Le soir même, Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur, prend la parole. La sécurité ne se divise pas. Les Français y aspirent dans leur immense majorité. Ils doivent savoir que si de tels événements se multiplient, ils mettent en danger la sécurité de la collectivité et aussi celle de chacun de nous. C'est pourquoi le gouvernement, avec fermeté, mais aussi avec justice et modération, entend assurer cette sécurité. Ce 4 mars 1976, sur le pont de Morondon, le sang de la terre a coulé et deux vies se sont éteintes. Celle d'Émile Pouit, 51 ans, viticulteur, et de Joël Legoff, 42 ans, commandant CRS. Ces deux victimes sont les dernières tuées par balle lors d'une manifestation en métropole de notre histoire. Alors, comment en est-on arrivé là? De quoi cette guerre du vin est-elle le nom? Dans le Midi, aujourd'hui encore, personne n'a oublié cette journée et ces deux morts. Chaque année, des fleurs sont déposées sur le lieu du drame. En revanche, si vous interrogez les anciens sur le début des événements et sur les raisons de l'embrasement, là, les souvenirs s'entrechoquent. Quand tout cela a-t-il commencé au juste? Difficile à dire. En 1971, l'émission de reportage de l'ERTF, Objectif, réalise une longue enquête sur les raisins de la colère en Languedoc-Roussillon. Durant des semaines, un jeune journaliste, Patrick Penaud, oui, le créateur de Rendez-vous avec X sur France Inter, rencontre les différents acteurs du secteur. Parmi eux, un négociant du centre, une exploitante d'un grand domaine et un petit viticulteur du village de Campagnac, propriétaire d'une dizaine d'hectares. Son nom, Pierre Soaris. Il doit avoir 50 ans, un peu plus peut-être. Entouré de sa femme et de ses deux enfants, il explique sa vie et son coût. Si votre femme ne travaillait pas, est-ce que vous pourriez continuer à faire votre métier de viticulteur? Certainement pas. Disons que moi, cette année, mon travail, c'est zéro. Si nous n'avons pas des séquelles d'emprunt, hein, les restes de secours qu'on a eus, et la situation de ma femme, je crois que nous n'aurions aucune possibilité de mener de vivre, quoi. On pourrait presque se demander pourquoi vous continuez à travailler comme viticulteur. Eh bien, continue, un vieux médecin de nos amis nous disait un jour, le métier de viticulteur, excusez-moi, je vous le dis en patois, quand vous mettez les langues qui viennent. C'est-à-dire, c'est un métier fait d'espoir, c'est le métier de l'année prochaine. On dit, cette année, ça va pas trop bien marcher, mais nous espérons que l'an prochain, ça marchera mieux. Sa vigne ne le nourrit plus, ni lui, ni sa famille. Le vigneron peine à rembourser les emprunts qu'il a contractés pour acheter des machines. Pierre Soaris, comme des milliers d'autres, a été percuté par la révolution de l'agriculture française. Dès le lendemain de la guerre, il a fallu moderniser la terre. Si dans les champs on a coupé les haies et aspergé la terre de pesticides, dans les vignes, on a agrandi les sillons et harmonisé les hauteurs afin de permettre le passage d'imposants tracteurs. Grâce à cela, le travail devait être moins rude et plus rentable. Mais dans le Midi, chez les petits viticulteurs notamment, rares sont les bénéficiaires de cette révolution. Alors bien sûr, la vie de paysan est faite de bonnes et de mauvaises récoltes. Et en 71, le soleil, le gel, la grêle ou la sécheresse ne sont que des données secondaires, non. L'un des problèmes du marché viticole en France au début des années 70, c'est surtout le coupage du vin et ses conséquences. Sur les étalages des supermarchés, au rayon des vins, on pouvait trouver des dizaines de bouteilles au nom de domaines fantaisistes. Derrière ces noms, différents cépages, de différents pays, tous mélangés. Des assemblages qui permettent, selon le négociant, le mariage des qualités des différents territoires. L'autre avantage, bien sûr, c'est le prix, battant toute concurrence. Le maître coupeur est avant tout un financier. Et puis, à l'inverse du Bordelais ou du Bourgogne, le vin du Midi a mauvaise réputation. Aucune AOC ne le protège. C'est donc lui qu'on négocie au prix bas, afin de l'associer à d'autres vins encore moins chers, notamment étrangers. Le problème est connu. Mais face à la loi du marché, il ne pèse pas lourd, comme le confirment ces négociants. Je reconnais qu'il y a là un problème et qu'il s'est vendu des vins d'Italie à des prix inférieurs au prix des vins français. Mais là, nous entrons dans un domaine qui est un domaine, dirons-nous, réglementaire, où la communauté européenne a prévu une police intérieure, une police européenne. Le commerce ne peut pas faire la police des prix. Ce n'est pas du tout son activité. Le commerce est braqué sur le prix de revient. Et il ne peut pas refuser un prix de revient, si vous voulez, moindre ou plus intéressant. Je crois que le commerce est une chose et qu'il n'y a pas de saint dans cette branche, comme ailleurs, qui se sacrifiait sur l'autel de la patrie pour acheter à un prix supérieur et refusant obstinément les prix proposés. Donc il y a de ce côté-là un argument économique, une notion de prix. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le fond, la police doit être faite, mais nous n'y pouvons rien. Parmi ces vins mélangés, il y avait le vin d'Algérie. En 62, lors des négociations à Evian entre la France et les indépendantistes algériens, il a été décidé que le vin de l'ancienne colonie ne serait pas soumis aux règles des vins étrangers. Ah, du moins jusqu'en 1969. Sauf que cet accord a été prolongé. Pourquoi ? Ah, l'Algérie avait du pétrole, et pas nous. En 1970, près de 10 millions d'hectolitres algériens transitent ainsi par le port de Sète. La même année, en janvier, les pays membres de la Communauté économique européenne votent un règlement viticole qui organise le marché entre les différents pays membres. La communauté instaure un marché libre, des prix d'orientation fixés annuellement par Bruxelles et des mesures compensatoires accordées pour les monnaies européennes dépréciées, notamment pour la lire italienne. Rappelons qu'à l'époque, l'euro n'existe pas. La monnaie est encore un outil de régulation. Comme le vin algérien, le vin d'Italie a l'avantage d'être bon marché. Les négociants sautent donc sur l'occasion pour le marier avec celui du Midi. À la fin, c'est le viticulteur français qui perd de l'argent. Et alors que les vendanges sont bonnes, les revenus sont en baisse. Écoutez ce qu'en dit le vigneron Pierre Soaris. Nous avons, comme on dit tout à l'heure, depuis une génération de travailler nos vignes. Nous avons travaillé avec amour. Nous pensons que notre production elle est quand même valable. C'est quand même une richesse pour l'ensemble de la France. Mais d'autre côté, on a l'impression qu'on nous sacrifie. Qu'on nous sacrifie à des intérêts sordides. À des intérêts de gros sous. De gros trusts. De grosses sociétés. Nous faisons pas la politique. À n'importe quel gouvernement qui agirait comme ça, nous nous opposerions de la même manière, vous voyez. Mais c'est pas normal, je dis. Qu'on sacrifie l'homme. Qu'on sacrifie la dignité humaine. Qu'on sacrifie des êtres qui sont libres, qui sont indépendants, qui sont dignes à des affaires qui puent le pétrole, qui puent les gros sous. J'allais dire un mot beaucoup plus fort que ça. Mais croyez bien une chose, si par hasard, ces promesses, comme ça nous est arrivé des tas de fois, restent lettres mortes, eh bien il faudra encore compter avec les vignerons d'Indy. Dès sa signature en 1970, le marché commun du vin cristallise les critiques. Durant les premiers mois, la mobilisation se déploie dans la rue, mais aussi lors de rencontres entre les représentants de la profession et ceux de l'État, préfectures et ministères. Dans cette bataille pour de nouvelles protections et une réglementation commune, le comité d'action viticole joue un rôle important. Créé en 1961 par des jeunes du syndicalisme agricole, ces comités sont assez éloignés des grandes structures type FNSEA. Dans leurs rangs cohabitent plusieurs mouvances et trajectoires. L'un des traits communs est notamment identitaire. Beaucoup en effet se disent occitans et revendiquent cette identité menacée par un marché supranational. À l'image des Corses, ils prônent une langue, une histoire, un pays. Volem verio al pais, nous voulons vivre en paix et au pays, disent-ils. Bien, mais le peuvent-ils? Pas vraiment. Dans un documentaire tourné à l'époque par le Front Paysan, Jean Huinet, l'un des responsables du syndicat MIVOC, explique la situation. Il faut quand même simplement expliquer aux gens que le marché du vin, c'est simple, c'est comme un sablier. Il y a un récipient haut, un récipient bas. Dans le récipient en haut, on met notre production, qui est valable. Mais pour pouvoir arriver au récipient bas, qui sont les consommateurs, on est obligé de passer par le goulot d'étranglement, il n'y en a pas 36 autres. Et ce goulot d'étranglement, c'est les négociants. Alors les négociants, peu importe la qualité du vin que l'on fabrique, hein, à partir du moment où on passe par eux, eux calculent leur norme, leur propre notionnalité, c'est-à-dire le maximum d'argent qu'ils font sur le litre de vin. Et c'est pour eux, c'est ça la qualité. C'est-à-dire qu'ils mettent sur la table des consommateurs les vins de marque. Et non pas des vins de pays, enfin ils appellent ça vins de pays, tout ça, ça c'est la publicité, et c'est pour vendre. Mais en réalité, c'est des vins de marque. Et c'est fabriqué avec très peu de vins de chez nous, et beaucoup de vins d'importation, et puis alors tout le reste, hein, des produits chimiques. En mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. Jacques Chirac, l'ancien ministre de l'Agriculture, est nommé à Matignon. Et c'est Christian Bonnet qui lui succède. Si les têtes changent, les discours restent identiques. Des négociations ont lieu, des promesses sont faites, notamment de nouvelles taxes à l'encontre du vin italien. Mais les annonces ne semblent jamais être à la hauteur de la détresse. À la fin de l'été, au moment des vendanges, la colère se terre. Puis dès l'hiver, les vents mauvais soufflent de nouveau. Au début de l'année 75, la révolte gagne ainsi la rue et tout le pays du Languedoc. Le 26 mars, le port de Sète est bloqué. À Béziers aussi, on note l'utilisation d'engins explosifs, dont des bombes agricoles. Partout, les camions transportant du vin étranger sont la cible d'attaques. Sur les barrages, parfois, des discussions s'improvisent, verre à la main entre autres automobilistes et vignerons. Allez, goûtez le vin du pays, le bon vin de Montblanc. Alors, monsieur, votre impression de ce vin? Extra. C'est pour ce machin, hein? Hein? Ce soir, j'espère que vous apporterez à manger, hein? Oui, on verra. N'ayez pas peur. Le 25 juillet 1975, en pleine période estivale, après une nouvelle opération escargot sur l'autoroute, la direction départementale de l'agriculture est envahie. Devant les caméras de France 3, les viticulteurs critiquent l'Europe et le ministre de l'Agriculture, Christian Bonnet. La confiance semble rompue, comme l'explique ce vigneron. Bruxelles, nous n'y croyons plus non plus. Il n'y a plus de cohésion agricole au sein de la communauté, on s'en est aperçu. On veut sauver la face en Italie parce qu'il y a un problème politique italien, où on ne veut pas que le communisme, et il faut le dire ce mot, ne submerge d'autres opérations politiques au sein de ce pays, et Marcora a été pressé de rentrer en Italie. Deuxième point, Bonnet n'a pas été à la hauteur des problèmes, à savoir sauvegarder la viticulture et concrétiser par des faits les promesses qu'il nous avait faites. Le 2 août 1975, à proximité de Narbonne, le pont de Montredon est investi par les viticulteurs et leurs familles. Très vite, les CRS ont ordre d'évacuer les manifestants. Dans l'assaut, les vitres des voitures des viticulteurs où des femmes ont trouvé refuge sont brisées. Certains d'entre elles subissent des violences. Quelques heures plus tard, les renseignements généraux notent la sortie de fusils dans les rangs des manifestants. Et 10 mois plus tard, au même endroit, deux personnes y perdront la vie. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la guerre du vin. Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Je répète, dernière promotion aux affaires usages de la force. Avant Montredon, il y a eu Aléria, en Corse. Le 21 août 1975, fusil à la main, des hommes du mouvement régionaliste et autonomiste, dont Edmond Simenoni, pénètre dans la cave viticole d'Henri de Peille. Comme dans le Midi, pour les gens de la vigne, les temps sont durs. Et comme dans le Midi, les viticulteurs se sentent trahis, abandonnés par Paris. En Corse, en plus du coupage, certaines sociétés sont accusées de rajouter dans les vins des composants chimiques, dont de l'acide sulfurique. Dans le même temps, la société continentale, la Covirep, dépose le bilan et laisse les viticulteurs sans un sou. C'est dans ce contexte que l'occupation d'Aléria prend forme. Ce dossier ultra sensible n'atterrit pas sur le bureau du ministre de l'Agriculture, mais sur celui de l'Intérieur, Michel Poniatowski. Estimant l'unité nationale en danger, il décide l'envoi d'un demi-millier d'hommes. Face à la crise sociale et agricole, le pouvoir choisit donc la force. Le 22 août, la cave occupée est encerclée. Les militants corses sont pris au piège. Vers 16h, l'assaut est donné. Une nouvelle fois, le journaliste Patrick Penaud est sur les lieux. Je suis à 2 mètres des premiers gens mobiles, vous les entendez certainement. Il y a déjà un gendarme mobile qui, semble-t-il, est blessé. Attention les mecs. Deux gendarmes mobiles sont penchés sur lui. Les mecs, oh, quel truc bouge. Si ça bouge, on a une balle dans la gueule. Nous sommes en train, actuellement, avec quelques journalistes, de... Alors qu'on me confirme qu'un gendarme est blessé, il est couché dans le fossé. On me dit à l'instant que... Oui, c'est très grave, non ? Très, très grave. Il est très gravement blessé, c'est un gendarme mobile. Il était couché derrière le remblai. Il a été atteint, sans doute, on avait tiré... À la tête, il était blessé. Il est blessé à la tête. Ouais, il vient de... Attention, le char s'en va, là, on est à découvert. Deux gendarmes sont tués, d'autres blessés par balle. Dans les jours qui suivent, la Corse s'embrase. C'est l'événement fondateur du nationalisme corse. Dans les articles, la question du vin disparaît. Et pourtant, la crise viticole qui touche une partie du vignoble français est vivace. Elle s'accentue même. Pour enfin éteindre l'incendie, le Premier ministre Jacques Chirac annonce en décembre 1975 une taxe sur le vin italien et la création d'un office du vin. Pour les viticulteurs, le compte n'y est toujours pas. Le 16 janvier 1976, aux abords de Carcassonne, André Cazès, du comité d'action viticole, demande au gouvernement de sauver le vignoble du Midi. Le Premier ministre n'a rien réglé dans le fond. Nos problèmes restent entiers, avec pour nous une déception un peu plus grande. Le problème viticole doit être réglé dans son fond. Le marché du vin est un marché propre et il faut faire en sorte qu'il ne soit pas régulièrement court-circuité par des importations spéculatives qui déséquilibrent le marché viticole et qui punissent une région de monoculture comme celle du Midi. Vous êtes décidé à continuer l'action et jusqu'où irez-vous ? Jusqu'où nous irons ? Jusque nos forces nous permettront d'aller dans la logique et le bon sens du paysan qui doit nous caractériser. André Cazès s'est appelé le sage par ses proches. Une voix claire, un ton posé. Enfant de vigneron, il a repris l'exploitation de ses parents dans le domaine de Saint-Martin. Ce dont il est témoin, ce sont des exploitations à la merci des cours du vin. La bourse ou la vie, en quelque sorte. Après des années de lutte, Cazès est de plus en plus inquiet. Il y aura bientôt des morts, dit-il à un journaliste du Monde. Il faut se méfier des gens dont le travail ne les nourrit plus. De fait, en 76, les actions sont de plus en plus violentes et spectaculaires. Et les cibles sont diverses. L'État, les commerces, les négociants. L'étranger aussi, notamment italien. Coupable, selon la foule, d'exporter la misère, l'inflation et l'inorganisation. La vigne brûle, mais le gouvernement de Jacques Chirac regarde ailleurs. Et le 4 mars, sur le pont de Montredon, les fusils s'expriment. Quelques jours plus tard, toute la région est en deuil. Émile Pouit avait 51 ans, il est mort à Montredon d'une balle en pleine tête. Originaire du village de la vallée des Corbières, il était un enfant du pays devenu vigneron. Ce 8 mars 1976, ils sont près de 25 000 à rejoindre les collines pour suivre son cercueil à travers le village. Le même jour, les vignerons déposent des fleurs aux abords du pont afin de rendre hommage à leurs compagnons de lutte, mais aussi au commandant des CRS tués. Au même moment, à Toulouse, deux anarchistes fabriquent une bombe qu'ils souhaitent lancer lors de l'hommage pour le CRS où est attendu le ministre de l'Intérieur. L'attentat n'aura jamais lieu. Les deux anarchistes meurent déchiquetés lors de la fabrique de l'engin explosif. Ils sont les deux autres morts de Montredon. Le 9 mars, Michel Poniatowski, toujours vivant donc, se rend à Toulouse à la cérémonie d'hommage. Devant les CRS et leurs familles, il promet justice et apaisement. Rien ne peut justifier le drame de voir des Français tirer délibérément sur d'autres Français qui ont la responsabilité et l'honneur de défendre la paix publique. De telles attitudes sont inacceptables. Il n'y a pas de république sans respect des lois. Le gouvernement assurera, et je le dis nettement, la paix publique. J'ai donné des consignes fermes pour que les responsables et les instigateurs des désordres et des crimes qui ont entraîné la mort du colonel Joël Le Goff soient activement recherchés et déférés à la justice, et ils le seront. Le jour de la fusillade, de nombreuses photos ont été prises. Parmi celles que publie la presse, on voit un homme muni d'un fusil de chasse. À l'aide de ce cliché et des différents témoignages, le tireur est identifié. Le 1er avril, le dénommé Albert Tisser est interpellé chez lui. C'est un viticulteur de 47 ans, excellent chasseur selon les dires. Conduit à bord d'un hélicoptère, il est incarcéré à la prison des Baumettes de Marseille, loin des vignes du Midi. Après une grève de la faim et 72 jours d'incarcération, il est remis en liberté. Quant à la mobilisation sociale, elle est morte aussi à Montredon. Après un baroud d'honneur à Montpellier, où près de 100 000 manifestants investissent les rues de la ville, la guerre du vin prend fin. Malgré le soutien de la population, les comités d'action viticole n'ont pas pu infléchir l'orientation du marché viticole européen, ni celle de la politique du gouvernement français. C'était le pot de terre contre le pot de fer. Dans les mois et les années qui suivent, le vignoble diminue. Des primes d'arrachage poussent les petits viticulteurs à changer de production et de méthode. Face à la concurrence, ils misent désormais sur la qualité. Des caves particulières et des groupements de producteurs se développent et tentent de concurrencer les grands groupes. De nouvelles AOC sont également créées. Les Côtes du Roussillon en 77, Faugères en 82, Languedoc en 85. Le vin change, les hommes aussi. En 2021, pour le documentaire « Nous paysans » produit par Programme 33, l'une des figures du mouvement, Jean Millet, évoque ses mois de lutte et ses violences. Quand on m'explique que, si je ne m'en sors pas, j'ai qu'à faire un autre métier. Quand on m'explique que, si ici c'est pas bien, j'ai qu'à partir. Je ne peux pas. On refuse d'admettre que je sois ce que je suis. Et à ce moment-là, les autres disent « Ah, c'est des voyous, et la violence, c'est scandaleux, on est dans une société de droit. » Oui. Mais quand vous avez un viticulteur qui se suicide parce qu'il n'a plus rien à bouffer, parce qu'il ne peut pas payer ses traites, c'est qui est le violent? C'est pas le négociant qui fait le gras sur son dos? Si on n'avait pas fait ça, beaucoup de vignerons ne seraient plus là. On a résisté. En octobre 2023, près de 50 ans après les événements de Montredon, de nouveau du vin a coulé sur l'asphalte d'une autoroute. De nouveau des locaux de négoce ont été vandalisés, incendiés. Ce n'est plus le vin italien ou algérien qui pose problème, mais l'espagnol. Peut-être le ferment d'une nouvelle guerre du vin. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la guerre du vin en Languedoc-Roussillon. Notre invité, Laure Gasparotto. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes critique et historienne du vin, ancienne vigneronne et journaliste notamment au Monde. Parmi vos derniers ouvrages, on peut citer notamment Vigneronne, un récit personnel de votre expérience en tant que vigneronne. Donc, on y reviendra si vous voulez. Mais restons encore un peu dans les années 70. On l'a vu, hein, l'un des éléments importants pour comprendre cette guerre du vin, c'est le coupage. Comment définir cette pratique? C'est-à-dire que on mélange en fait des vins de la production locale à des vins d'une production extérieure pour augmenter la production, baisser les coûts de production également. Et en plus du coupage, on ajoutait aussi du sucre, ce qui augmente les volumes. C'est une pratique qui, heureusement, n'est plus en cours. En fait, après chaque crise, il y a quand même eu des choses positives. Heureusement, après cette crise des années 70, vous l'avez dit, on a valorisé la production par des nouvelles appellations. Il y a eu donc le Roussillon, le Languedoc en 1985, avec des réglementations qui valorisaient enfin la production du Languedoc, et c'est ce que recherchaient les vignerons. J'ai bien aimé le mot employé par un des vignerons interviewés, qui est le mot dignité, c'est-à-dire qu'en fait on voit bien à cœur leur travail et ce qu'ils recherchent, c'est la valorisation, vendre au-delà du coût de production, ce qui est compliqué. Donc le coupage, heureusement, ne se fait plus grâce à la valorisation et à la réglementation. Quand vous dites on coupait avec des vins extérieurs, c'était des vins étrangers ou on pouvait couper avec d'autres vins de France? C'était plutôt, ben, vous l'avez dit, plutôt étrangers essentiellement italiens, c'est ça? Et italiens, oui. Et auparavant algériens. Et algériens, on l'a dit. Mais les vins algériens, vous savez, en fait, il faut remonter en fait encore plus loin dans l'histoire pour comprendre. C'est-à-dire que à partir de 1850, il faut remonter à 150 ans, plus de 150 ans. En 1850, le vignoble français a commencé à être malade. Il y a eu le mildiou et ensuite le phylloxéra. Et on était bien content d'avoir le vignoble algérien pour compenser la perte du vignoble français. Et donc le vignoble algérien nous a beaucoup servi. On a coupé des vins de Bourgogne, hein, des vins de toute la France, pas de toute la France. Est-ce que ça faisait monter le taux d'alcool? Ah oui, c'est ce qu'on appelait des vins fortifiants, des vins qui fortifiaient les vins de Bourgogne, parce que à ce moment-là, les vins de Bourgogne, ils faisaient 9, 10 degrés, et heureusement, les vins algériens, enfin, ça faisait partie de l'élaboration des vins de Bourgogne, on augmentait les degrés, non seulement grâce au sucre, mais aussi grâce aux vins algériens. Et si on goûte des vins de Bourgogne, si on peut encore avoir la chance de goûter des vins de Bourgogne du début du XXe siècle, on n'est pas tout à fait sûr de boire du 100% Beaune ou 100% Bourgogne. Il y a sans doute, et encore des témoignages récents me l'ont confirmé, c'est avec des camions-citernes qui venaient d'Algérie jusque dans les années 60 en Bourgogne. Et donc ce n'est pas que le Languedoc qui était concerné. Ouais. Aujourd'hui, il semble, peut-être que je me trompe, c'est pour ça que il me semble que les taux d'alcool soient un peu plus élevés, notamment dans les vins du Sud, de plus en plus tanniques. Il n'est pas rare de voir des côtes du Rhône 14 degrés, 15 degrés. Est-ce que c'est une tendance ou est-ce que c'est juste une impression? Ah non, c'est une vraie tendance qui est liée au dérèglement climatique. D'accord. Alors, il y a des régions où on n'a jamais fait aussi bon parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Mais en effet, les vignobles du Sud et ceux du Languedoc sont très touchés par cette augmentation De l'ensoleillement, donc. De l'ensoleillement, de l'alcool. Et malheureusement, non seulement ce sont des augmentations d'alcool, mais aussi des baisses de rendement, puisque la chaleur fait que d'un côté, les sucres sont concentrés et de l'autre, les rendements baissent. Donc les vignerons encore les plus touchés sont ceux du Midi. Et ils se retrouvent de nouveau confrontés. France Inter. Affaires sensibles. Laure Gasparotto, je rappelle que vous êtes critique et historienne du vin, ancienne vigneronne et journaliste notamment au Monde. 50 ans après le drame que nous avons raconté, la crise viticole est-elle de retour? Eh bien, je vous propose d'écouter Pierre Hilary, président des Jeunes Agriculteurs. C'est un extrait de France Bleu Roussillon le 19 octobre 2023. Les actions suivront les annonces. Si demain il y a des annonces, des prises de responsabilité politiques. C'est-à-dire? Mais très clairement, il va falloir revoir certaines lois, certaines règles, certains accords. Des accords européens? Des accords européens. Pourquoi on est logé? On n'est pas tous logés à la même enseigne. On nous vend une grande unité au niveau de l'Europe, mais par contre, on n'a pas les mêmes règles. Et sans ça, la mobilisation va se durcir. De toute façon, la tension ne va faire que progresser. Si on n'a pas des annonces fortes et si des décisions, et par exemple sur le vin et sur le prix du vin, les Audois réclament, et nous aussi, c'est la même chose, ils réclament un prix tenant compte de l'inflation. C'est quand même formidable, on est dans une période inflationniste où tout augmente. Nous-mêmes, nos charges ont augmenté de près de 40% en quelques mois, et derrière, on nous demande de vendre le vin au même prix, voire moins cher. C'est pas tenable. Alors, les Audois, comme dit Pierre Hilary, sont les habitants du département de l'Aude, grand producteur de vin en Languedoc-Roussillon. Donc c'est plus le coupage, le problème aujourd'hui, ce sont les prix, c'est l'Europe, c'est la concurrence, c'est quoi pour vous? Les coûts de production sont très très élevés et en effet le consommateur n'est pas prêt à acheter un vin du Languedoc au même prix qu'un vin d'une autre région. Les coûts de production, c'est vrai, ont énormément augmenté ces deux dernières années, notamment avec l'augmentation du verre, du carton et les vignerons pour s'en sortir, enfin ne s'en sortent pas. Il y a une vraie détresse aujourd'hui, non seulement parce parce que les rendements baissent, parce que la consommation aussi du vin baisse. Ces 60 dernières années, les Français consomment 60%, consomment 60% de vin en moins. 60%, c'est énorme quand même pour un produit. Une baisse de 60%, quel que soit le produit d'ailleurs. Quel que soit le produit, c'est énorme, même si c'est sur 60 ans. Il faut dire que les Français ont parté de très loin, ont consommé beaucoup de vin. Mais justement, le Languedoc aimerait pouvoir être valorisé à sa juste valeur. Et moi qui étais vigneronne dans le Languedoc, je me suis vu dire ce vin est trop cher pour le Languedoc, alors que je vendais mon vin à mon coût de production. Mais vous avez bien dit, ce vin est trop cher pour le Languedoc. Bien, il est là le problème. C'est un vrai problème, oui. Un vrai problème. On va y revenir justement sur le développement des vins du Languedoc. Juste quand même une question sur l'Espagne. Est-ce que le vin espagnol est le problème aujourd'hui? La concurrence est complètement déloyale avec le vin espagnol, puisque les coûts de production, juste précisément, sont beaucoup moins chers en Espagne. C'est toujours sur les coûts de production qu'on revient. En France, on a les mêmes taxes, quelle que soit la région de production. Et quand on est vigneron dans le Languedoc, on paye les mêmes taxes qu'en Bourgogne ou à Bordeaux. Et pourtant, le consommateur n'est pas prêt à acheter un vin du Languedoc à un prix raisonnable par rapport à sa production. Alors, en même temps, c'est dommage parce que on voit des nouvelles AOC, des nouveaux châteaux dans le Languedoc-Roussillon. C'est un vin qui a l'air vigoureux, qui se renouvelle, qui se réinvente avec un goût bien particulier. Ce sont des vins tanniques, des vins plutôt faciles d'utilisation, des vins pratiques, des vins agréables. Je peux pas me faire la pub des viticulteurs du Languedoc, mais il y a quand même une vraie vitalité de ce vignoble, j'ai l'impression. Il y a une vraie dynamisation dans le Languedoc, et en fait les vins ne sont plus aussi tanniques qu'ils l'étaient, parce que avec le changement climatique, ce sont les plantes qui changent, mais les hommes également. Vous n'avez plus envie de boire des vins tanniques, des vins rouges tanniques comme autrefois, et d'ailleurs dans notre consommation, les blancs ont surpassé aujourd'hui les vins rouges. On consomme beaucoup plus de vins blanc. Donc, comment voulez-vous que les rouges du Languedoc s'adaptent au goût des consommateurs d'aujourd'hui? Donc, en fait, on plante de plus en plus de cépages blancs, on change... Enfin, il y a une adaptation très rapide des vignerons du Languedoc pour s'adapter aux besoins des consommateurs qui recherchent une fraîcheur dans les vins, donc des vins blancs, des vins plus effervescents aussi. Et en fait, la viticulture, ne l'oublions pas, est de l'agriculture, mais une agriculture pérenne. C'est-à-dire que si on trouve une solution aujourd'hui, on aura la réponse que dans 20 ans. C'est-à-dire que si aujourd'hui on plante des cépages blancs pour répondre à la demande, on aura les vins blancs que dans 10 ou 15 ans. Et c'est là le problème, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a cette crise, c'est parce qu'elle répond, la solution d'aujourd'hui était celle d'il y a 20 ans. Ouais. Et donc il y a un décalage en fait dans les réponses, dans les demandes et les réponses. Et dans les années 60, pour répondre justement, pour éviter les assemblages avec les vins d'Algérie, on a planté énormément de clones, pour refaire une production intensive dans le Languedoc. Or aujourd'hui, elle n'est plus adaptée. On veut des vins de qualité, et les clones des années 60, eh bien, il faut les arracher pour planter d'autres vignes, d'autres plants plus qualitatifs. Et en fait, c'est pour cela qu'il y a un vrai décalage dans la viticulture, c'est que les solutions d'aujourd'hui, même si on les connaît, on n'aura la réponse que dans 20 ans. Alors on voit bien cette détresse, je vois sur le terrain des vignerons qui y répondent, c'est-à-dire qu'on fait par exemple des blancs de noir, c'est-à-dire qu'on essaye de produire des vins blancs à partir des raisins noirs, c'est-à-dire on fait, si vous avez du merlot, on va essayer de faire des pressurages directs pour produire comme en Champagne, vous savez, il y a des blancs de noir à partir du pinot noir. Il y a du blanc de blanc de blanc aussi. Il y a du blanc de blanc, mais d'accord. On peut faire donc des blancs de noir parce que la vigne qu'on a est plantée en rouge. Et on va faire des effervescents. J'ai rencontré en 15 jours, même à Cahors, des jeunes vignerons qui essaient de s'adapter en proposant des effervescents à partir de raisins rouges qu'ils ont. Mais qu'est-ce que vous appelez les effervescents? Des vins mousseux, parce qu'on a envie de fraîcheur aujourd'hui. Et c'est vrai que la production languedocienne n'est pas adaptée aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui. Est-ce qu'en termes de réputation, ça va mieux? Écoutez, par exemple, alors moi j'ai participé à cette valorisation avec les terrasses du Larzac qui ont cette année 10 ans. Ouais. Les terrasses du Larzac ont fait partie de ce mouvement qualitatif. Donc, en effet, là, grâce à des appellations comme ça, le Languedoc va mieux. Mais il y a énormément de vignerons qui ne vivent que grâce à leurs femmes qui font un autre métier. Le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure est tout à fait d'actualité. C'est-à-dire que c'est très compliqué de vivre aujourd'hui de sa production. Et est-ce que les vins du Languedoc ont vocation, un jour, à avoir une réputation aussi prestigieuse que les Bordelais, les Bourgognes et certains Côtes-du-Rhône, je pense aux Hermitages, aux Saint-Joseph, qui sont des grands vins maintenant? Depuis 1985, avec la reconnaissance du Languedoc, et puis ensuite, vous l'avez dit, de Faugères, de Pixinloup, des terrasses du Larzac, il y a une vraie volonté d'appellation, de système d'appellation pour créer des vins de lieu et des vins de qualité, valoriser les vins. Maintenant, il y a des vins du Languedoc qu'on trouve à une vingtaine d'euros, et ce qui est énorme. Et la conquête est là. Mais ce n'est pas encore la majorité des vins. Et d'ailleurs, on voit bien, depuis les années 2000, il y avait 30 000 domaines viticoles dans le Languedoc, et aujourd'hui on en trouve plus que 23 000. Enfin, c'est toujours un combat. C'est un combat. Et sinon, d'un point de vue sociologique ou de consommation sociologique, c'est quoi la tendance aujourd'hui du vin en France? On a eu les tendances Bordeaux, on a eu après la tendance Bourgogne. Qui a la vedette pour l'instant? Ben, la vedette, c'est toujours le vin blanc. C'est vraiment le vin blanc aujourd'hui a surpassé le vin rouge. Les vins rosés se défendent encore bien. Mais voyez, par exemple, ça c'est aussi une différence entre les autres pays européens et la France. C'est-à-dire que pour faire du rosé dans tous les pays, en Espagne par exemple, si vous voulez faire du rosé en Espagne, vous pouvez mélanger du vin rouge et du vin blanc, ce qui est interdit en France. Donc on a des conditions de production qui sont plus resserrées, plus exigeantes que dans d'autres pays européens. Ce qui est une qualité aussi, cela dit. Voilà, on défend une qualité, mais sauf qu'après, le prix, ça ne se revendique pas toujours sur le prix. Bien sûr. Dernière question, à la lumière des dernières manifestations de viticulteurs, à la lumière de cette concurrence que vous dites déloyale, notamment du vin espagnol, est-ce que vous craignez une nouvelle guerre du vin à venir ? En tout cas, dans le Languedoc, je ressens une vraie colère parce que le changement climatique est rapide. Il y a des solutions qui sont malheureusement pas forcément dans la culture du vin, c'est-à-dire qu'on désalcoolise de plus en plus de vins. La désalcoolisation est galopante et pour correspondre à un marché. Donc, on peut craindre en effet une nouvelle guerre du vin dans les mois qui viennent. Merci infiniment, Laure Gasparotto. Merci, au revoir. Merci, Fabrice. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la guerre du vin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.